Activité 13. 1. Je vous ai déjà dit de refermer la porte doucement quand vous entrez dans mon bureau. 2. Simon, arrête ta musique et viens mettre la table, s'il te plaît. 3. Le document B n'est pas rempli correctement. Votre demande ne pourra pas être acceptée. 4. Vous avez une réduction de 30% supplémentaire sur le deuxième article.